Oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Du point de vue de la Lune, lorsqu'elle est éclairée par le Soleil, elle sort de l'obscurité la plus noire et ressemble à une bille bleue et blanche, comme les billes en verre pour les jeux d'enfants. Depuis la célèbre photo du lever de Terre en 1968, lors de la mission Apollo 8, tout le monde, ou presque, a la certitude que notre planète est ronde. Ni plate comme une crêpe, ni cubique, ni cylindrique, ou que sais-je encore, mais bel et bien sphérique. Mais nous n'avons pas attendu ces premières images de l'espace pour découvrir la rotondité du monde. La découverte de la sphéricité de notre planète est une épopée scientifique vieille de plus de 2000 ans. Et la Terre devint ronde. C'est notre découverte du jour, une découverte tout en courbe. Bienvenue dans Eureka. Et pour faire le tour de cette question de la découverte de la sphéricité de notre planète, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans les studios de France Culture Alain Riazuelo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicien au CNRS, en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous êtes également l'auteur de Pourquoi la Terre est ronde aux éditions Humaine Science. Nous sommes également en ligne avec Martin Vailly. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en histoire des sciences et enseignant à l'université de Strasbourg au département d'histoire de la vie et de la santé. Tout l'été, Eureka va explorer les histoires des grandes découvertes et des grandes inventions de l'humanité. Et aujourd'hui, on fait le tour du monde. Cette émission est pour vous. Vous tous qui voulez savoir. Elle est surtout pour vous, les jeunes. Vous allez voir, la science n'est pas une matière aride, faite uniquement de chiffres et d'opérations. Elle est plus passionnante que le plus passionnant roman d'aventure. C'est pourquoi j'ai demandé à Pip de m'aider. On m'a appris à l'école, la Terre est ronde comme une boule. Elle ressemble à une orange. C'est un peu vague tout ça. D'abord, comment s'est-on aperçu que la Terre était ronde? Eh bien, pendant longtemps, les hommes ont cru qu'elle était plate. Les anciens se posaient même cette question. Qu'est-ce qui se trouve au bout de la Terre? Les uns disaient, il y a un immense gouffre. Les autres disaient, une grande mer qui conduit aux enfers. Et les aventuriers hardis essayaient de trouver le bout du monde. Alain Riazuelo, depuis quand sait-on que la Terre est ronde? Alors depuis l'Antiquité grecque, à peu près 2400 ans, donc on peut considérer que ça n'est pas un scoop. Et c'est une certitude qu'on a acquis à l'époque de la Grèce antique et pour une raison presque culturelle qui est assez simple, à savoir que la question de la forme de la Terre, c'est un problème de géométrie. Et s'il y a bien une discipline qui était vénérée par les savants grecs, c'était la géométrie. Et donc la rencontre du problème et de cette culture a naturellement accouché de la bonne réponse à la question. Martin Vailly, en cartographie, est-ce qu'on a une trace de la première carte du monde? Alors bon, en termes de première carte, c'est toujours assez compliqué puisque déjà, qu'est-ce que c'est qu'une carte? C'est toujours une question un peu difficile. Après, en termes de rotondité de la Terre, je pense qu'on peut évoquer notamment, en tout cas j'évoquerai les propositions du mathématicien Ptolémée en fait, qui propose un premier globe terrestre, enfin, en tout cas un des premiers globes terrestres. Donc une première carte de la Terre sur une sphère. C'est un moment assez marquant en fait dans l'histoire de la cartographie, puisque c'est ce modèle en fait qui va traverser les siècles et qui va être réemployé pour développer justement des globes terrestres de plus en plus précis. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément justement cette carte du mathématicien Ptolémée? Alors le problème bien sûr c'est que la carte en elle-même n'a pas survécu, donc on va avoir surtout des dessins médiévaux hein, par exemple ou modernes de cette carte. Donc il faut imaginer en fait un globe terrestre comme on le voit aujourd'hui sur lequel on aurait juste un bandeau en fait de terre où on a représenté le monde connu à l'époque, ce qu'on appelait l'écoumène, c'est-à-dire le monde connu et habité par l'être humain. Très bien. Alors on sait aussi qu'il y a aussi des cartes du monde connu et retrouvé qui représentent la Mésopotamie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, absolument. Alors, bon, là, pour le coup, c'est pas ma spécialité, mais on va avoir de toute façon toute une série de cartes anciennes sur les espaces savants en général. La Mésopotamie en fait partie. On va avoir aussi des cartes de l'ancienne Italie, des gravures sur roches, par exemple. Enfin, voilà, disons que la généalogie de ce que c'est qu'une carte peut s'étendre très loin dans le temps, finalement. Est-ce qu'on connaît, Alain Riazuleux, la première, la plus ancienne mention d'une terre ronde dans l'histoire de l'humanité? On trouve ça dans un texte pré-hindouiste, donc quelque chose comme 1500 ans avant notre ère, où on parle d'une divinité qui, précisant, a 1000 bras et 1000 yeux, donc une divinité omnisciente et omnipotente, et qui, de ses 10 doigts, aurait façonné, à partir d'un morceau de terre meuble, la terre comme, la planète Terre comme, comme une sphère. Mais le texte ne permet absolument pas de savoir si, on cherche une sorte de justification mythologique à un fait que l'on soupçonne déjà, ou si c'est juste le fantasme cosmogonique de l'époque et de cette civilisation. Pour ce qui est des preuves, c'est l'Antiquité grecque. Est-ce que des gens le pressentaient avant, que ce soit en Égypte ou en Inde? À ma connaissance, on ne le sait pas. Alors, durant l'Antiquité, justement, comment est-ce qu'on se représente le monde? Comment est-ce qu'on conçoit les bords du monde? Et on peut commencer par Thalès. Alors il y a eu plusieurs versions. L'idée d'une carte, c'est de centrer une représentation locale sur ce qu'on connaît, et puis être de plus en plus vague sur ce qu'il y a au bord. Donc notre invité saurait mieux vous en parler que moi. Et donc l'idée que l'on ne connaît pas tout, et qu'il y a au bout d'un moment ce qu'on appellera plus tard des terra incognita, c'est aussi ancien que l'humanité, sans doute. Et ce que vont apporter les savants grecs, c'est cette idée qui est que même si on ne connaît pas tout du monde, même si on n'est pas capable de faire le tour de cette planète dont on ne connaît même pas la taille, on peut peut-être néanmoins franchir cette barrière-là conceptuelle et réfléchir à la forme de la Terre, indépendamment de tout le reste. Et sur cette forme, il est évoqué un monde en forme de disque. C'est assez logique. La Terre est suffisamment vaste pour que la courbure de la Terre ne soit pas immédiatement visible. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand vous étiez petite, que vos parents, vos enseignants vous ont dit que la Terre était ronde et qu'en Australie, ils vivaient la tête en bas. Vous n'avez pas cru la première fois, vous avez eu une hésitation. Donc c'est l'idée que ce soit sphérique est contraire à l'intuition de toute façon. Il faut dépasser ce fait. On peut dire que la forme de la Terre, c'est une des premières questions scientifiques dont la principale morale est que notre intuition est une mauvaise conseillère. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est durant l'Antiquité que la pensée de la forme du monde est parallèle à la naissance de la philosophie. Disons que se développe l'idée à ce moment-là, mais je suis pas historien de l'Antiquité, donc je me hasarde peut-être un peu, mais se développe l'idée que si on veut dire, si on veut discourir sur le monde, il faut le faire sans préjugés, qu'il soit religieux, idéologique ou philosophique, et qu'il faut se baser sur des preuves, sur des faits objectifs. Et c'est déjà remarquable en soi que les gens se disent, voilà, peu importe les superstitions passées, peu importe les récits cosmogoniques ou religieux, c'est pas sur quoi on va se baser désormais. On a aussi l'idée d'un monde en forme de cylindre dans les catalogues de formes comme ça. Ce que les savants grecs vont comprendre, c'est que déjà la Terre est incurvée suivant la direction nord-sud, essentiellement parce que des étoiles que vous voyez au ras de l'horizon sud en Égypte, vous ne les voyez plus quand vous allez au nord de la Méditerranée dans la Grèce, et que plus vous allez au nord, plus l'étoile polaire est haute dans le ciel. Donc la courbure de la Terre suivant un axe nord-sud, elle est évidente. Suivant un axe est-ouest, c'est beaucoup moins évident. Donc effectivement, vous pouvez tout un chacun peut faire ça ses vacances. Vous essayez de mesurer la hauteur de la polaire à Paris, puis si vous êtes dans le sud de la France, depuis là où vous serez, vous constaterez que la polaire est un peu plus basse. Donc, le fait qu'elle soit incurvée suivant cette direction-là, il est assez facile à observer. Le fait que ce soit incurvé suivant la direction est-ouest, c'est plus compliqué. Alors aujourd'hui, c'est facile grâce au décalage horaire. Le soleil ne se couche pas partout en fonction du fuseau horaire, mais dans l'Antiquité, c'était plus compliqué. Alors durant l'Antiquité, Martin Veilly, pareil, à quoi ressemblent ces cartes grecques? Alors, du coup, juste Si je peux me permettre de revenir rapidement sur ce que vient de dire Alain Riesuelo, parce que je pense qu'en fait, il y a quelque chose d'extrêmement important, donc déjà dans la question que vous lui avez posée et dans sa réponse, c'est-à-dire qu'il faut bien envisager que cette question de la philosophie aussi, il faut se rappeler que la philosophie à l'époque ancienne, c'est pas juste ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie, mais c'est vraiment une connaissance du monde. Et là où la pensée par la sphère, elle est très importante, l'idée de la sphéricité du monde est extrêmement importante, en tout cas à mon sens, c'est que ça devient un outil, en fait. On va construire donc des sphères qui vont représenter le cosmos, qui vont représenter le monde, et ça va devenir des instruments que les philosophes, en fait, vont mobiliser pour réfléchir au monde. Ça va permettre, en fait, aux philosophes d'adopter un point de vue, comme aujourd'hui, finalement, hein, quand on utilise un globe terrestre, on se place du point de vue de l'astronaute, certains diraient du point de vue de Dieu, hein, en dehors comme ça de la Terre. Et bien, c'est exactement la même chose qui va se passer chez les philosophes de la Grèce antique, par exemple, c'est-à-dire que l'utilisation du globe, de l'objet globe, donc de la sphère, va leur permettre une méditation, mais aussi effectuer de nombreux calculs, réfléchir à partir de positions que, humainement, ils ne peuvent pas occuper dans l'espace, en fait. Donc voilà, il y avait ce petit détail, à mon sens, qui fait des globes, donc des sphères anciennes, en fait, des objets très importants. Alors, la première affirmation d'une Terre sphérique, c'est quand ? C'est qui ? C'est l'école pythagoricienne ? Alors, au départ, c'est une hypothèse, et la démonstration rigoureuse, c'est Aristote. Alors, est-ce que Aristote compile le savoir de son époque, ou est-ce qu'il a compris tout seul ? C'est pas tout à fait clair, mais Aristote... À une démonstration qui est à la fois astucieuse et d'une parfaite élégance. Il dit, l'idéal pour connaître la forme de la Terre, ça serait de m'en éloigner, mais je ne peux pas. Donc, je vais utiliser non pas la Terre, je ne peux non pas mesurer ou observer la Terre, je veux observer l'ombre de la Terre, c'est-à-dire ce qui se passe lors d'une éclipse de Lune. Donc, un siècle avant lui, on avait compris déjà que la Lune ne brillait pas par elle-même, qu'elle était éclairée par le Soleil. Que si on voyait des phases à la Lune, c'est que la Lune n'était pas un disque plat, mais était quelque chose de bombé. Donc déjà, le fait que la Lune soit sphérique ou quasi-sphérique, c'était un fait établi, que l'on pouvait éventuellement utiliser comme suggestion sur la forme de la Terre. Et donc, une fois que vous avez compris que la Lune est éclairée par le Soleil, vous comprenez ce que c'est une éclipse. Une éclipse, c'est au moment où, lors de la pleine Lune, la Lune s'assombrit. Et si elle s'assombrit, c'est que la Terre passe ou s'interpose entre le Soleil et la Lune. Et donc, Aristote dit, dans une éclipse de Lune, ce qui est important, c'est pas le moment où la Lune est complètement obscurcie, mais c'est le moment où elle se fait progressivement croquer par l'ombre de la Terre, puisque l'on voit, en fait, la silhouette de la Terre via son ombre au moment du début et de la fin d'une éclipse. Et fait remarquer Aristote, toutes les éclipses nous montrent que l'ombre de la Terre, ou la partie de l'ombre que l'on voit, puisque comme la Lune est plus petite que la Terre, on n'en voit qu'une partie, à chaque fois, c'est une portion de disque, quelle que soit la direction de la Lune dans le ciel, c'est-à-dire quel que soit l'angle sous lequel la Terre est éclairée par le Soleil et projette son ombre. Donc Aristote vous dit, vous n'avez pas à faire le tour de la Terre, les orteils en éventail sur votre chaise longue, vous regardez une éclipse et vous savez que c'est une sphère. Le soleil de l'autre côté du monde danse une valse blonde avec la terre ronde, ronde, ronde, ronde. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors nous venons de parler des premières conceptions du monde durant l'Antiquité grecque, des disques, du cylindre, mais nous parlons surtout de la théorie de la Terre ronde affirmée par Aristote. Alors je voudrais qu'on approfondisse encore un peu sur Aristote. Il apporte une succession de preuves logistico-mathématiques. Quelles sont-elles encore ? Alors ça, c'est la preuve globale. Disons, l'ombre de la Terre vous donne accès à... Alors, vous voyez pas toute l'ombre, mais vous voyez une très grosse partie. Ensuite, il y a les effets de courbure locale. Donc le plus connu, c'est quand un bateau s'éloigne à l'horizon, la coque du bateau disparaît sous l'horizon avant le mât. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire cet été sur la plage. Hein. Il n'y a pas besoin d'un gros bateau. Vous regardez un voilier qui s'éloigne à quelques centaines de mètres, vous voyez progressivement que sa coque est de moins en moins visible. Alors c'est plus direct, mais c'est uniquement locale. Vous ne savez uniquement que la Terre est localement courbée. Ça vous dit rien sur sa forme globale. Donc vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que les étoiles ne sont pas à la même hauteur en fonction de la latitude. Et donc tout ça forme un tout parfaitement cohérent. C'est voilà, il vérifie son hypothèse ou son raisonnement par plusieurs faits expérimentaux qui sont indiscutables. Après Aristote, d'ailleurs, il y aura une preuve du décalage horaire. Alors comment on fait pour vérifier le décalage horaire à une époque où on peut pas communiquer ? Comment, oui ? Ben toujours par les éclipses de lune. Si vous êtes quelque part au Moyen-Orient et que vous voyez une éclipse de lune qui débute alors que le soleil est déjà couché, elle débute au même moment en Espagne alors que le soleil n'est pas encore couché. Et donc quand le soleil se couche en Espagne, l'éclipse a déjà débuté. Et donc le même phénomène, le seul phénomène quasiment que vous pouvez voir depuis plusieurs endroits du monde en direct, c'est cette éclipse. Le fait qu'elle ne se produise pas à la même heure de la nuit, ça vous prouve qu'il y a décalage horaire et que donc la Terre est aussi incurvée suivant la direction est-ouest. Alors l'observation, vous l'évoquez, hein, l'observation de la Lune, ça aussi, on s'appuie sur le fait que la Lune soit une sphère. Du coup, par comparaison, on se dit la Terre est sphérique. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait dans l'esprit des gens, mais le fait est que les phases de la Lune, le fait qu'on passe de la pleine Lune à la demi-Lune au croissant, ça ne s'explique que si la Lune a une forme à peu près sphérique. Donc le premier astre dont on peut dire quelque chose sur la forme, c'est pas la Terre, c'est la Lune, parce qu'il est suffisamment proche pour distinguer sa forme, et les phases vous donnent directement la réponse à la question. Il y eut un temps où le Nouveau Monde n'existait pas. Le Soleil se couchait à l'ouest, sur un océan où nul n'avait osé s'aventurer. Et au-delà, l'infini. Un jour, j'ai demandé à mon père où il voulait aller. Et il m'a répondu : je veux voyager d'un bout à l'autre des mers. Je veux aller par-delà les horizons. Regarde. Maintenant, la moitié de la coque a disparu. Bien. Et maintenant ? Maintenant, je ne vois que le mât. Ferme les yeux. Et ne triche pas. Je surveille. Maintenant. Il s'est en allé. Qu'est-ce que tu en déduis ? Elle est ronde. Comme ça. Toute ronde. Un extrait du film Christophe Colomb avec Gérard Depardieu qui illustrait bien ce qu'on disait il y a quelques instants, cette idée avec Aristote pour mettre en évidence la courbure de la Terre. On entend aussi parfois que ce serait Christophe Colomb, par son voyage, qui aurait prouvé à ses contemporains que la Terre est ronde. Alors, Yazulo. C'est le contraire. C'est parce qu'il savait que la Terre était ronde que, en naviguant vers l'ouest, il arriverait au même endroit que les gens qui allaient à pied vers l'est. Donc il s'est servi de ce résultat pour financer son expédition, qui a été en partie un échec, puisque la Terre était trop grande pour qu'il fasse le voyage depuis l'Europe jusqu'aux Indes. Mais en tout cas, il a fait ce voyage parce qu'il savait, à raison, qu'il finirait par arriver à son point de départ, enfin à son... aux Indes, c'est-à-dire à l'endroit où il voulait aller, mais il a commis une erreur qui aurait pu lui coûter la vie, c'est qu'il a sous-estimé la taille de la Terre, qui était connue dans l'Antiquité et qui était mal connue ensuite, et donc il a cru que ce serait un voyage assez court, et par chance pour lui, il y a eu une Terre avant qu'il n'arrive à court de vivres et d'eau, qui est donc l'Amérique. Martin Vailly. Oui, alors voilà ce que vient de dire Alain Riesuelo est très important à mon sens, justement parce que ça rappelle qu'on n'a jamais cru, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont tendance à penser, on n'a jamais cru pendant le Moyen-Âge que la Terre était plate en fait. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est cette idée d'un Moyen-Âge obscur qui aurait perdu toute une série de connaissances, et ce que vient de souligner efficacement Alain Riesuelo, et sur lequel je veux insister, c'est qu'en effet, ce qu'on a perdu comme savoir au cours du Moyen-Âge, ce n'est pas la connaissance de la rotondité de la Terre, c'est-à-dire qu'on sait que la Terre est ronde pendant le Moyen-Âge. Par contre, en effet, ce qu'on a perdu, c'est les calculs. Et donc, ces calculs, en fait, ils vont revenir, mais assez tardivement. Donc notamment, ça va être la traduction en latin, en fait, de la géographie de Ptolémée. Donc le fameux Ptolémée du début de l'émission, du deuxième siècle, dont en fait le texte va permettre aux savants européens de retrouver les calculs des Grecs anciens et donc de, à leur tour, pouvoir prouver la rotondité de la Terre. Mais alors pourquoi ces calculs sont-ils perdus d'ailleurs ? Alors ça, c'est une très bonne question, donc je ne pourrais pas vous faire le détail, mais si vous voulez, en fait c'est aussi une histoire tout simplement très matérielle ici des savoirs, c'est-à-dire que des calculs, comment on les transmet ? On les transmet par l'enseignement, forcément, ou par les manuscrits. Et ces manuscrits dans lesquels les calculs sont inscrits, ils ne vont pas aller en Europe, en fait, jusqu'à... Donc, ils vont commencer à arriver un petit peu par l'Espagne autour du XIIe, XIIIe siècle, justement avec les déplacements des populations du monde arabo-musulman. Et à partir du moment, à partir de la chute de Constantinople, grosso modo, on va avoir un afflux de manuscrits, en fait, qui vont venir de Constantinople jusqu'en Europe. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir retraduire ces manuscrits de l'arabe vers le latin et donc retrouver ces calculs. Donc après la découverte de la rotondité du monde durant l'Antiquité, ce savoir n'est pas oublié au Moyen-Âge, Le raisonnement d'Aristote, il tient en trois phrases, donc il est facile de retenir ce raisonnement. Par contre, comment est-ce que vous arpentez un terrain pour mesurer des distances de quelques kilomètres, de quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres? C'est plus de la science, c'est de la technique, c'est du savoir-faire. Et ça peut s'oublier. D'autant que si je vous dis que dans l'Antiquité, Ératosthène, dont on va peut-être parler, avait déterminé que la circonférence de la Terre était de 250 000 stades égyptiens, vous savez pas ce que c'est, parce que vous ne savez plus, et plus personne ne sait aujourd'hui, ce qu'était un stade égyptien. Et donc là, pareil, quand on veut mesurer quelque chose, il faut des étalons de mesure, et ces étalons de mesure... ils sont fragiles. Et ça, on y reviendra tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Mais en tout cas, sur cette idée, sur la connaissance de la sphérité du monde, de l'Antiquité, on voit dans certains sketchs des Monty Python qui caricaturent l'époque médiévale. La Terre est plate. Est-ce que c'est une idée qui n'est pas défendue dans l'Europe médiévale? Alors, il faut bien dire que quand on dit « on savait dans l'Antiquité que la Terre était une sphère », en fait, il y a un tout petit nombre de gens qui étaient éduqués et qui le savaient. Je pense que l'immense majorité des gens qui n'étaient jamais allés à l'école ou l'équivalent de l'époque l'ignoraient. Donc quand on dit on sait que, en fait, on dit les érudits, quoi. Voilà, les érudits, et ça ne concerne jamais une grosse partie des gens. Au Moyen-Âge, l'immense majorité des gens ignoraient que c'était ça, parce qu'ils ignoraient tout du monde. Ce qui est important, c'est que les gens qui avaient des connaissances ne se trompaient pas. C'est ça qui est important. Et c'est ce savoir-là qui a perduré, parce que le raisonnement d'Aristote est suffisamment simple pour pouvoir être enseigné à suffisamment de personnes pour que d'une génération à l'autre, ça survive. Mais alors, je voudrais comprendre d'où vient le mythe de la Terre plate. Alors ça, j'en sais rien. Mais non, mais alors c'est quelque chose. J'en ai discuté parfois avec des enseignants. On parlera sans doute tout à l'heure de Galilée. Tout le monde retient que Galilée, c'est le gentil scientifique qui s'est fait embêter par les méchants religieux. Mais beaucoup de gens ignorent quel était le sujet de la controverse qui a donné lieu à un célèbre procès. Et parfois, les gens associent Galilée à Terre plate ou ronde. Ce qui est idiot, puisque un siècle avant Galilée, Magellan avait déjà fait le tour du monde. Mais dans l'esprit des gens, le fait qu'il y ait eu des controverses scientifiques, on sait que ça a été scellé au moment de Galilée, mais qu'est-ce qui a été déterminé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était déjà au-delà de tout doute raisonnable, ça, on le sait pas bien. Donc je sais pas pourquoi, que ce soit avec des enfants, des jeunes lycéens ou même des adultes, il y a un flou qui s'installe dès l'enfance, et qui n'est pas toujours dissipé. Martin Velli, sur ce mythe de la Terre plate. Alors, moi, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que il faut bien voir, en fait, qu'il y a, au cours donc, de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle la Renaissance, tout simplement, aujourd'hui, et surtout après dès 17, 18, 19e siècle, même jusque-là, il y a une construction du Moyen-Âge comme âge obscur. Donc je reviens encore au Moyen-Âge, mais c'est aussi, je pense qu'on peut envisager aussi la naissance de ce genre de mythe de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer que les humains de l'ancien temps étaient finalement assez peu malins, surtout au Moyen-Âge, et que ces gens peu instruits pensaient que la Terre était plate. Ce qui permet en réaction, forcément, de se mettre en valeur et de dire « Regardez, nous savons faire ces calculs-là, nous savons que la Terre est ronde. » Voilà, donc le mythe de la Terre plate pourrait aussi être une sorte de construction finalement politique d'un prétendu savoir scientifique. Et c'est le 19e siècle qui aurait donc créé cette légende selon laquelle le Moyen-Âge croyait en une Terre plate, c'est ça ? Bon, alors en termes de date, on vérifiera, mais en tout cas, clairement, les siècles postérieurs s'emploient à fabriquer cette légende noire d'un Moyen-Âge obscur qui pense la Terre plate, oui. Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de map monde et de toujours le regretter. Si c'était comme dans les chansons, une tendre amie m'attendrait sans cesse. J'en ai trois ou quatre, mais passons, puisque j'ai perdu leur nom, leur adresse. Lorsque je reviens chaque fois, je fais un tour ou deux ou trois, et puis je dis salut Paris, moi je m'en vais pour mieux rêver de toi. Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de map monde et de toujours le regretter. Mais quand on a fait mille chansons sans une ombre amie pour prêter l'oreille, lorsqu'on a sillonné l'horizon en se partageant tout seul tes merveilles, on voudrait bien qu'au fond de soi dorme une image à qui parfois on puisse offrir tous ses délires, ainsi lui dire j'ai tant besoin de toi. Quand on a fait le tour du monde, faut bien finir par s'arrêter. Quand la tendresse au cœur inonde, tant que l'on voudrait s'y noyer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier celle qui peut fermer la ronde et de toujours la regretter. Pierre Barou, le tour du monde à 16h27 sur France Culture. Vous écoutez Eureka et aujourd'hui nous parcourons le monde puisque nous parlons de la découverte de la rotondité de la Terre avec nos deux invités du jour, Alain Riazuelo, astrophysicien au CNRS, en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris, et avec Martin Velli, docteur en histoire des sciences, enseignant à l'Université de Strasbourg. Alors Alain Riazuelo, vous l'évoquiez il y a quelques instants, de quand datent les premières mesures de la circonférence de la Terre ? Alors ça date en fait aussi de l'Antiquité grecque, par le plus grand géomètre sans doute, de géomètre au sens de quelqu'un qui mesure sur le terrain, qui s'appelle Ératosthène. Donc les écrits d'Ératosthène ont été perdus, donc on ne sait pas exactement tout ce qu'il a fait et comment exactement il a fait. Mais Ératosthène a compris que pour mesurer la circonférence de la Terre, il n'était pas besoin d'en faire le tour. Par exemple, si on mesurait la distance du pôle à l'équateur, il suffisait de multiplier par 4 pour avoir la circonférence. Et donc ce qu'a fait Ératosthène, c'est qu'il a mesuré au sol la distance entre deux points, donc dont il connaissait à quelle fraction de la circonférence ils étaient séparés l'un de l'autre. Il tombe d'ailleurs sur 39 000 km de circonférence au niveau de l'équateur. Voilà, alors ce qui est un résultat fortuitement exact. Puisque lorsque Ératosthène va faire, il va mesurer la distance entre Assouan et Alexandrie. Donc Assouan et Alexandrie sont à peu près sont le long du Nil qui coule suivant approximativement un axe sud-nord. Donc approximativement ces deux villes sont sur le même méridien. S'ils mesurent leur latitude par l'intermédiaire de la hauteur des étoiles ou de la longueur des ombres projetées par le soleil un certain jour, il connaît leur différence de latitude, il sait à quelle fraction de la circonférence cela correspond, et ensuite il va mesurer au sol la distance entre Assouan et Alexandrie, et donc il va faire une double erreur. La première, c'est que comme Assouan et Alexandrie ne sont pas sur le même méridien, le fait qu'elles soient séparées par 7,2 degrés de latitude ne signifie pas que la distance qui les sépare est exactement un cinquantième de la circonférence terrestre. Mais il va aussi se tromper dans la détermination de la distance entre ces deux villes, dont on ne sait pas exactement comment il a procédé. Et ces deux erreurs d'environ 10% vont se compenser heureusement, ce qui fait que Ératosthène a un résultat qui a l'air remarquable, mais qui ne l'est pas, puisque ni lui ni personne à l'époque n'était en mesure d'évaluer l'incertitude dont il était entaché. Et puisqu'il tombe sur 39 000 km, ce qui est assez proche des 40 000 75 km mesurés aujourd'hui. Oui, absolument. Mais alors, il faut bien voir que de nos jours, tout le monde sait qu'une mesure a une certaine précision. Si je vous demande combien vous mesurez, vous me direz, je ne sais pas, 1 m 70. Donc implicitement, ça veut dire que vous donnez votre taille avec une précision de 1 cm. Le fait qu'une mesure ne veut rien dire si on n'y associe pas une incertitude, c'est quelque chose qui est né en partie grâce à la cartographie au début du 19e siècle. À l'époque, ça n'existait pas. Une mesure, c'était un chiffre, et c'est tout. Donc, le chiffre d'Ératosthène est proche de la vérité, mais de façon un peu heureuse. Martin Weili, sur cette notion d'incertitude, justement. Alors, moi, je trouve cette question assez intéressante, finalement, parce que c'est quelque chose qui va être réemployé, en fait, au cours de l'histoire. Ça va être une sorte de course, finalement, à la réduction de cette incertitude. Donc, on va retrouver, par exemple, donc moi, je suis un peu plus spécialiste de l'époque moderne, et par exemple, à l'époque moderne, en fait, ce qui va faire vraiment autorité pour le cartographe, c'est d'être capable de se placer dans une généalogie des mesures de la Terre. Et donc, par exemple, en 1700, on va rappeler les calculs d'Ératosthène comme, finalement, si vous voulez, un maître étalon du calcul qu'il faut produire et donc de l'incertitude qu'il convient de réduire. Il faut voir que c'est tout autant un argument scientifique. Alors certes, c'est très important de connaître, entre guillemets, la vraie taille de la Terre, pour tout un tas de raisons, politiques, commerciales, on va ouvrir des nouvelles voies commerciales, donc en termes de navigation c'est très important. Il faut aussi être capable de connaître son empire, donc il faut être capable de connaître ses, entre guillemets, toujours vraies dimensions, mais c'est aussi un argument social et culturel. Les cartographes, quand ils vont mesurer la Terre, ils vont mettre en avant justement l'exactitude de leurs mesures, la nouveauté de leurs mesures et leur capacité à réduire cette incertitude en se plaçant comme ça dans une espèce de généalogie des savants. Et ça va être pour ces cartographes-là une manière, en fait, finalement, d'avoir de la légitimité scientifique. En tout cas, ces fameuses mesures d'Ératosthène qui ont été perdues au Moyen-Âge, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Autre question, Alain Rivasiolo, cette Terre est-elle vraiment toute ronde ? Alors, quand vous regardez une éclipse, vous constatez que la forme de l'ombre de la Terre est à peu près circulaire. Maintenant, c'est une mesure à l'œil. Hein, on peut pas faire de. Enfin, à l'époque, on ne faisait pas de photos, donc c'était difficile de savoir si c'était une sphère parfaite ou pas. Alors, pour les Grecs, c'était plus naturel que ce soit une sphère parfaite, mais c'était pas quantifié. Pourquoi d'ailleurs la sphère parfaite selon les Grecs ? Parce qu'ils aimaient la géométrie et que pour eux, les formes les plus parfaites, c'était le cercle à deux dimensions et la sphère à trois dimensions. Donc le monde devait être dans cette perfection. Voilà, il y avait cette idée que le monde était parfait, que la trajectoire des planètes et du soleil autour de la Terre, puisque c'est ce qu'on imaginait, était aussi des trajectoires géométriques simples que l'on construisait à partir de cercles. Donc l'idée d'une forme de perfection du cosmos, elle était présente chez Aristote et elle a été en partie dit reprise par la chrétienté. Donc l'idée que ce soit une sphère parfaite ne choquait personne. Et cette idée va être mise à bas d'abord par Galilée, qui va constater que Jupiter et Saturne ne sont pas des sphères parfaites, mais qu'elles sont légèrement aplaties. Et ensuite formalisée par Isaac Newton, qui va dire que les objets sont sphériques parce que leurs constituants s'attirent et que donc en minimisant leur distance au centre, ça s'agence naturellement en forme de sphère, mais que comme les objets tournent sur eux-mêmes, il y a un truc qui va découvrir qui est la force centrifuge qui fait que ça va être un peu aplati au pôle, un peu élargi à l'équateur. Et donc il y aura un débat à ce moment-là qui va être en France le débat entre les cartésiens et les newtoniens. Donc les cartésiens imaginaient que la Terre était un peu allongée au pôle, donc un citron. Et les newtoniens qui suivaient les démonstrations d'Isaac Newton, qui pensaient que la Terre était plutôt aplatie au pôle, donc en forme de pêche. Donc la Terre était-elle une pêche ou un citron ? Il fallait vérifier sur le terrain. Et donc il y a eu de glorieuses expéditions géodésiques françaises pour vérifier si la courbure de la Terre en Laponie et à l'équateur était supérieure ou inférieure à celle locale connue au niveau des latitudes tempérées de la France. Oui, c'est-à-dire que c'est Newton qui théorise l'aplatissement au pôle en 1687. Voilà. Mais alors c'est cette expédition française qui prouve... Qui le prouve sur le terrain. Voilà. Alors comment ça se passe justement cette expédition française ? Alors on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais donc en gros l'œuvre de Newton reste assez confidentielle à la fin du XVIIe siècle parce que c'est sur une île et que ça, finalement ça diffuse assez peu sur le continent. L'œuvre de Newton va être traduite en français par Émilie du Châtelet. Qui est une amie de Voltaire et qui va donc contribuer à diffuser ces idées-là. Et donc comme il y a un débat au sein des astronomes français pour savoir si la Terre a une courbure parfaitement constante, puisque il y a des mesures de cette courbure qui ont été faites au nord de la France, au sud de la France, elles sont pas très conclusives. Et donc un scientifique qui est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, je crois, qui dit ben il y a qu'à vérifier. On va faire une expédition en Laponie, une expédition à l'équateur, et d'après Newton, la courbure de la Terre devrait être moindre en Laponie qu'à l'équateur, et celle de Paris devrait être intermédiaire, et comme ça on va décider ça. Et donc Maupertuis, qui est quand même un petit filou... On est au 1735 à ce moment-là, voilà, c'est ça. Maupertuis, qui est un petit filou, dit « Moi, je vais aller en Laponie parce que c'est pas loin et que je pourrais vite fait faire mes mesures et revenir annoncer le résultat à Paris. » Et puis il va envoyer certains confrères en Équateur, donc sur la côte en Amérique du Sud, en Équateur et au Pérou, qui eux vont faire aussi les mêmes mesures, mais évidemment ça va leur prendre beaucoup plus longtemps. Et quand ils reviendront, Maupertuis aura déjà annoncé ses résultats et se présentera comme l'homme qui a aplati la Terre. Alors comment a-t-il procédé pour aplatir la Terre, Maupertuis ? Donc il a fait exactement ce qu'a fait Ératosthène, c'est-à-dire qu'il va prendre deux points qui sont sur le même méridien et qui sont séparés par exemple par 1 degré de latitude. Il va mesurer par des méthodes géodésiques que Martin pourra détailler la longueur de cet arc de méridien en Laponie. Il va la comparer avec un arc de méridien toujours de 1 degré à Paris. Il va attendre les résultats des gens qui sont allés en Équateur. Et si la Terre n'a pas une courbure exactement constante, eh bien la longueur d'un arc de méridien pris à des latitudes différentes ne sera pas la même. Et c'est la technique de la triangulation. Voilà, qui est toute une technique que je connais mal, mais que Martin va pouvoir vous expliquer. Martin Vaili. Alors, il se trouve que pas vraiment, puisque moi, je suis surtout spécialiste des questions culturelles, des représentations culturelles qui entourent ces questions-là. Et je pense que les questions soulevées par Alain Rivesuelo sont très intéressantes, notamment sur la quête de la perfection, finalement. Puisque cette idée de la sphère parfaite, elle va rester, malgré tout, comme un symbole, c'est-à-dire qu'on sait, bon, Alain vient bien de vous l'expliquer, on le sait, le globe n'est pas une sphère parfaite, mais par contre, la sphère parfaite reste un symbole de pouvoir, c'est-à-dire que, par exemple, les rois vont quand même être représentés avec un globe à la main, un globe qui lui sera une sphère parfaite, puisqu'il représente justement la capacité de l'être humain, et en l'occurrence de l'européen, et plus précisément du français, dans le cas de Louis XIV par exemple, à mettre en fait le globe, à mettre le globe, enfin la planète Terre sur un globe. Et donc cette idée de la perfection, même si en effet on le sait, la sphère n'est pas parfaite, elle est très importante dans un discours politique sur la capacité de mesurer le monde. Et donc juste un petit détail, petite anecdote pour revenir sur cette question-là, puisque là donc on a beaucoup parlé des grands savants qui font des grands calculs, qui savent voilà, qui définissent des enjeux très importants. Du côté des cartographes et de gens qui vont être un petit peu plus humbles entre guillemets sur dans le travail scientifique sur ces questions de sphéricité de mesure, par exemple des gens comme Nicolas Defer ou Guillaume Delisle, qui sont des cartographes actifs pendant alors entre le milieu des années 1600 en gros et le début des années 1700, ces cartographes vont faire des globes et vont indiquer de manière un petit peu taquine que la Terre est finalement comme une orange, elle n'est pas parfaitement sphérique puisque sa surface est parcourue de montagnes, de lacs, de crevasses. Ainsi, il suffit de passer ses doigts sur une orange pour comprendre en fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Et on retrouve ici aussi la logique des sens qu'on invoquait en début d'émission, c'est-à-dire qu'il est très important de sentir la Terre pour comprendre en fait ces questions de sphéricité. Voilà. Bon, ben justement, sentir la sphéricité de la Terre avec ce très beau texte de Jules Romain dans Les Copains de 1922. Je n'ai jamais conçu, comme ce soir, la rotondité de la Terre. Me comprends-tu ? La Terre, toute ronde, toute fraîche, et nous deux, qui tournons autour par une route unie entre des arbres. Toute la Terre, comme un jardin la nuit où deux sages se promènent. Les autres choses finissent quelque part, il le faut bien. Mais un globe n'a pas de fin. L'horizon devant toi est inépuisable. Sens-tu la rotondité de la Terre ? Nous parlons de la rotondité du monde et de notre planète en sphère imparfaite. Alors vous l'évoquiez à l'instant, Martin Veilly, comment on a représenté le monde en Europe, comment ces représentations ont évolué au cours du temps, et je pense notamment au globe dont vous parliez. Alors la question du globe, c'est une question vraiment très intéressante, puisqu'elle remonte en fait, à très loin forcément. Oui, les premiers globes terrestres qui sont... Voilà, Les premiers globes terrestres dont on a des traces, c'est à peu près le globe vert de Martin Behaim à peu près, et c'est 1492. Donc c'est finalement assez récent à l'échelle de l'histoire européenne. Mais ce qui va être intéressant en fait, le grand mouvement qui va se dérouler. Donc vous vous souvenez peut-être qu'au début de l'émission, j'évoquais ce globe de Ptolémée sur lequel on a juste une bande de terre qui représente l'écoumène, c'est-à-dire l'espace habité par l'humanité. Ce qui va se passer au cours de l'époque moderne, donc surtout à partir de la Renaissance, c'est un grand mouvement en fait d'élargissement de cette bande, c'est-à-dire que cet espace habité par l'humanité, grâce aux navigations océaniques, aux circumnavigations, grâce au développement de nouvelles méthodes de calcul que Alain Riazuelo vient de vous rappeler, en fait, cet écoumène, donc cet espace habité par l'humanité, va petit à petit s'étendre à l'ensemble de la sphère. Ça va être le grand mouvement de fond qui va avoir lieu au cours de la Renaissance. Et ensuite, bien évidemment, l'objectif, ça va être de compléter les blancs de la carte, hein, donc d'affiner petit à petit la représentation de l'ensemble des continents, d'affiner le tracé des côtes, ainsi de suite, dans une démarche en fait de complétion du globe. Et il y a bien évidemment là derrière, surtout du côté des Européens, hein, parce que ce qu'on raconte là depuis tout à l'heure, c'est une histoire finalement très européenne, de ce que c'est que la sphéricité de la Terre. Et cette vision européenne, forcément, elle est incluse dans une dynamique de pouvoir. Et donc, je vais évoquer juste un exemple. Par exemple, en 1683, on achève à Paris les grands globes de Coronelli, que vous avez peut-être vu à la BNF. Couper l'herbe sous le pied, je voulais y venir. Peut-être que je peux... Mais avant de bah non mais allez-y sur les globes de Coronelli, mais je voudrais avant de rentrer dans cette histoire de 1683 de présenter pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas ce que sont ces globes. Alors du coup très brièvement l'histoire c'est qu'un cardinal, le cardinal d'Estrée, qui donc est un des proches de Louis XIV, voyage en Italie pour une ambassade, rencontre Coronelli, un moine cartographe, et devant la splendeur de ses réalisations, l'invite à Paris pour fabriquer deux grands globes de 4 mètres de diamètre, donc des choses énormes, pour le roi Soleil, donc un globe céleste qui va représenter les constellations et un globe terrestre qui représente l'état du monde connu à l'époque de la réalisation de ce globe. Et donc c'est des objets d'art, c'est des objets de science. Et le petit détail donc, que je voulais apporter précédemment, c'est que sur ce globe, on va avoir notamment une allégorie des quatre parties du monde. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre, en général quatre femmes qui représentent quatre parties, donc traditionnellement l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Et sur cette allégorie du monde, on va voir justement l'Europe couronnée qui va porter en fait des instruments de cartographie. Et là, le discours, il est très clair. C'est-à-dire que le développement des outils cartographiques par l'Europe permet l'achèvement du monde, mais aussi permet la domination du monde par l'Europe. Un discours scientifique et symbolique. Ce que ça signifie, Martin Valli, c'est qu'un globe, c'est déjà une représentation du monde qui transporte des significations, qui véhicule des représentations culturelles, c'est ça ? Absolument. De toute façon, alors moi je suis partisan de l'étude des cartes comme étant des artefacts systématiquement situés. C'est-à-dire qu'ils sont toujours produits par une société donnée, avec ses instruments, avec son approche culturelle, avec ses idées. Donc forcément, une carte, elle va apporter avec elle tout un ensemble de représentations culturelles, religieuses, politiques, ainsi de suite, qui vont en faire la spécificité. Il y a aussi cette mode au XVIIe et XVIIIe siècle où on expose des map-monde chez soi pour montrer que l'on est cultivé. Absolument. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Ces deux siècles sont des siècles de l'explosion, du succès, des objets, donc ce que j'appelle généralement des objets cartographiques, parce qu'on ne va pas avoir juste des globes et des map-monde, on va aussi avoir des cartes, des atlas, et le développement de l'imprimé, forcément, va bien aider ce succès commercial de la carte. Et avoir une carte chez soi, c'est une preuve de bonne éducation, en effet. Avoir des connaissances géographiques, c'est montrer qu'on se soucie des affaires du monde, tant sur un plan purement culturel, pour le plaisir, pour l'éducation, que sur un plan politique et économique, puisqu'on va être capable de situer dans l'espace sphérique, une fois de plus, des grandes batailles, les routes commerciales, la provenance d'une ressource précieuse, par exemple, ou d'un animal qu'on a vu la veille à la ménagerie royale de Paris, par exemple. Alain Riaziolo, je voulais vous demander, vous, en tant qu'astrophysicien, quel regard vous portez sur ces vieux globes qui ont traversé les siècles ? Moi, je m'intéresse à ce qui se passe sur le ciel. Donc, les représentations de la Terre, finalement, ça me parle moins finalement que les globes célestes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la technicité s'invite progressivement dans les représentations. Eh bien, on y va justement. C'est évidemment le satellite artificiel lancé par la Russie qui a l'honneur de la Manchette. Pourriez peut-être vérifier à notre centre d'écoute de Limours. Alors, si on a toujours l'écoute. Appelons Limours. Allô, allô, ici Limours. Allô, allô, ici Limours qui vous envoie le satellite. Tout au moins la réception du satellite. Oui, le satellite, évidemment, a quitté le ciel de France depuis un certain temps et on l'entend tout de même toujours par conséquent. On l'entend toujours, on l'entend de façon sporadique. Oui, enfin en ce moment vous l'entendez, c'est lui que nous entendons, en direct. Bon, on parlait de la représentation de la Terre sous forme de globe, mais voilà, nous y sommes, la Terre vue d'en haut. La première fois, Alain Riaziolo, ça se passe comment ? Alors ça se passe, quand on imagine la conquête spatiale, on imagine la guerre froide. Mais en fait, c'est la conquête spatiale, ça commence quasiment deux guerres plus tôt, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est contrainte par le traité de Versailles à ne pas se réarmer. Et donc, que fait un pays quand il est contraint par un traité qui l'arrange pas ? Il contourne l'interdiction. Et donc, l'Allemagne va développer des missiles, en fait, dans l'entre-deux-guerres, qui vont donner lieu aux fameuses fusées V2, qui ne vont pas être très efficaces comme armes de destruction, ce qui est une très bonne chose, mais qui vont être récupérée par les Américains et par les Soviétiques lors de la phase finale de la Seconde Guerre mondiale. Et donc les Américains qui récupèrent à la fois des fusées et pas mal de scientifiques allemands qui avaient bien compris que tant qu'à se faire capturer par un des deux camps, valait mieux se faire capturer par les Américains. Donc en 1946, ils tirent les premières fusées V2 qu'ils ont capturées. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils envoient ces fusées à environ 100 km d'altitude? Eh bien, ils mettent un appareil photo dedans. Alors, il faut imaginer que la fusée s'élève à 100 km d'altitude, elle a plus de carburant, elle retombe. Donc il y a un choc assez violent au sol. Ce que font les scientifiques et les militaires, c'est que l'appareil photo, ils le mettent dans un énorme boîtier en métal. Et quand les jeunes soldats sont amenés à récupérer les restes de la fusée, la première chose qu'ils cherchent, c'est ce boîtier. Ils voient qu'il est intact, ils le ramènent. Et la première chose que font les scientifiques et les militaires, c'est de développer la pellicule photo. Et pour la première fois, alors ils voient pas la Terre vraiment vue de l'espace, parce que l'appareil photo a un champ assez réduit, mais ils voient quelque chose que personne n'a jamais vu, c'est que la ligne d'horizon, elle ne se découpe pas sur le bleu du ciel, mais sur le noir de l'espace. Et c'est ça le moment magique, c'est ça l'entrée de l'ère spatiale. C'est que la Terre, on la voit de tellement haut que le ciel, donc le bleu du ciel, c'est une fine couche d'atmosphère, et que derrière, il y a la noirceur du ciel. La première photo de l'espace. Voilà. Alors, on a aussi en 1935 les premiers ballons stratosphériques aux USA qui font des tentatives de représenter cette courbure du monde. La quête de l'altitude, c'était pas vraiment fait dans les montagnes, c'était trop compliqué, c'était fait avec des ballons. Donc il y avait une expédition un peu compliquée qui avait été financée par le National Geographic et je sais plus qui était un ballon stratosphérique pressurisé qui était allé jusqu'à 20 km d'altitude, mais bon, au-delà de 20, 30, 40 km d'altitude, vous n'avez plus assez d'air pour faire flotter un ballon. Et donc, si vous voulez aller beaucoup plus haut, bah, il faut une fusée. Et ces fusées, c'est un peu le péché original de la conquête spatiale, ont été développées dans le cadre de la guerre, mais elles ont permis d'aller suffisamment haut pour que le ciel soit parfaitement noir et qu'on voit l'atmosphère vue d'en haut, et puis peu à peu la courbure de la Terre de plus en plus nette à mesure qu'on allait de plus en plus haut. Et de plus en plus haut, il y a cette preuve ultime, les premières preuves visuelles, le lever de Terre, ce fameux cliché de 1968. Ça, c'est quelque chose qui bouleverse la représentation du monde. Oui, parce que jusque-là, la conquête spatiale, c'était assez proche de la Terre. La station spatiale internationale, aujourd'hui, elle est à 400 km au-dessus du sol. Donc, si vous faites une maquette avec un globe terrestre qui fait 20 cm de diamètre, Thomas Pesquet, il est même pas à 1 cm de votre globe. Donc, c'est quasiment tous les astronautes, cosmonautes ou autres ne sont allés que très proches de la Terre. Et la première fois et quasiment les seules fois qu'on s'est beaucoup éloigné de la Terre, c'était avec le programme Apollo. La première fois, c'était Apollo 8 qui, pour la première fois, a fait le tour de la Lune. Donc on est passé d'une distance à la Terre de un peu plus de 1000 km quelques années avant à 400 000 km. Et donc là, évidemment, la perspective change complètement parce que votre premier plan, c'est la Lune et l'arrière-plan, c'est la Terre. Et donc, quand vous êtes en orbite autour de la Lune, eh bien à chaque orbite, vous voyez la Terre se coucher derrière l'horizon lunaire et se lever. Et donc, les astronautes apparemment n'avaient pas pensé qu'ils verraient ça. Et au moment où ils le voient, ils sont saisis. Il paraît que l'audio de ce moment est remarquable. Et donc, ils prennent cette photo qui est pas parfaitement, elle est pas bien cadrée, elle est un peu inclinée. Elle est pas parfaite, cette photo. Mais le fait qu'elle n'est pas parfaite lui donne beaucoup plus de force. C'est-à-dire, c'était quand même très difficile. C'est un exploit d'être allé jusque-là. Martin Vaily. Oui, alors c'est très intéressant. Ça m'inspire toute une série de réflexions. C'est-à-dire que, bon, moi je suis forcément l'historien, et l'historien, il est un petit peu taquin. Il a toujours un exemple du passé pour venir réfléchir à ces questions-là. Et typiquement, l'exemple du passé, c'est que finalement, l'objet globe terrestre, il a été utilisé historiquement pour simuler ce qu'on appelle une vue synoptique. Donc on verrait l'ensemble du monde. On retrouve un petit peu la même dynamique avec des vues depuis l'espace. Pareil, par exemple, avec la cartographie par satellite. Donc on a l'idée, en fait, que finalement, ces nouveaux points de vue, parce que c'est ça, le point de vue depuis l'espace ou depuis un satellite, vont permettre enfin d'accomplir ce grand rêve de l'humanité de la vue synoptique. Et en bon casseur d'ambiance, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que finalement, ça demeure encore aujourd'hui un idéal, presque une illusion finalement. Parce que dans ce qu'on gagne en précision avec typiquement l'usage du satellite, on va le perdre en donc ce que j'aime appeler l'espace vécu, c'est-à-dire l'expérience du territoire, l'expérience du terrain. C'est ce qu'on avait peut-être un peu plus dans les vieux globes où il y avait toutes ces images, vous savez, d'animaux, de cannibales, de scènes de chasse, ainsi de suite. On avait un globe qui nous plaçait dans le point de vue donc de l'astronaute, hein, pour simplifier, mais on pouvait quand même avoir une certaine sensation des territoires représentés grâce à toutes ces informations visuelles. Aujourd'hui, avec un globe en 3D en satellite, on a les montagnes, on a les lacs, on a une cartographie très précise, mais finalement, on manque un petit peu ce qu'il y a du côté du sensible, l'expérience du terrain. Par exemple, quand vous sortez de chez vous pour aller prendre votre café, qu'est-ce que vous allez croiser sur votre route? Comment vous allez vivre ce qui, sur Google Earth par exemple, est limité à une photographie par satellite? Voilà, c'est une petite réflexion d'ouverture. C'est quelque chose qui me fait beaucoup... Très bien, Martin Veilly, un globe sphérique, mais une représentation du monde qui reste incomplète, en tout cas. Merci Alain Riasvelo, merci Martin Veilly, à tous les deux, hein, pour ce tour du monde, un tour du monde que l'on poursuit avec les Daft Punk pour notre générique de fin. À toute l'équipe d'Eureka, Anne Toscan-Vudès, Éléonore Pérez, Mariam Ibrahim, Antonin Amberger qui ont préparé cette émission, Nicolas Berger pour la réalisation et Audrey Galil à la technique. On continue cette semaine d'explorer les histoires des grandes inventions et découvertes de l'humanité. Demain, nous nous intéresserons à la découverte d'un autre monde, un monde invisible, avec la découverte du microbiote. Demain à 16h, mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer.